الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence donc la deuxième partie dans le livre de Cheikh Mohamed Bazmoul, le petit livret qui s'intitule Al-Islam ou Ala Muftaraqi Tariq ou Ala Muftaraqi Turuq. Et je l'ai traduit comme étant le titre comme étant l'Islam à la croisée des chemins. Donc on va commencer la deuxième partie. Et puis le Cheikh, comme on expliquait dans les points précédents, il explique parfois, par rapport à certaines tendances, comment certains, par exemple, peuvent prendre des positions extrêmes sur certains sujets et s'opposer à qu'est-ce qui est correct, à qu'est-ce qui est le juste milieu, à la compréhension des salafs. Et donc, on va continuer avec d'autres exemples de ça. Et maintenant, le cheikh, il va parler de al-ittijahu da'awi, c'est-à-dire, yani, qu'est-ce qui a rapport avec la da'wa. Les tendances reliées à la da'wa. Donc il dit wa yashtamilu ala 'iddati subul fa hunaka man la yara sabilan lid-da'wati illa 'an tariq al-jama'at fa dhahaba yaqulu bil ahzab wa ya'qidu 'alayha al-wala'a wal-bara' wa fi tasawwurihi yarhamukallah wa fi tasawwurihi anna al-'amal al-islami la budda an yakuna 'an tariq al-jama'ah وصار يبرر للجماعات ويستدل على مشروعيتها وهناك من لا يرى العمل الجماعي مطلقا ويرى أن الدعوة فردية وفردية فقط ويرد الأعمال الجماعية مطلقا والصراط المستقيم أن الجماعة ليست شرطا في العمل الدعوي وأن العمل الإسلامي يقوم به الأفراد ويقوم به الجماعات طالما أنه سالم من الانتماءات الحزبية التي يحصل عليها الولاء والبراء وطالما أنه بعيد عن التفرق والتشرذم بل تعاون على البر بل تعاون على البر والتقوى قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أما أن يفرق الناس وأما أن يفرق الناس فيصير كل فرد منهم له حزب وجماعة فهذه الجماعة تعادي هذه وكل حزب بما لديهم فرحون فهذه صورة بعيدة عن صورة المجتمع المسلم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc le cheikh maintenant il parle des tendances qui ont rapport avec la da'wa. Il dit qu'il y a des gens, ils considèrent que la seule façon de faire la da'wah, c'est en s'organisant en groupe et en formant des groupes. Et donc, ils commencent à former des partis, hein, et des groupes et des organisations. Et il établit l'amour et la haine ou l'allégeance et le désaveu en se basant sur ces groupes-là. Si tu es avec mon groupe, je t'aime. Si tu n'es pas avec mon groupe, tu es mon ennemi. Hein? Allah al-Musta'an. Alors qu'on est tous musulmans, en principe, on ne doit pas se diviser de cette façon. Et il y en a d'autres qui ont l'idée que le travail islamique, ou les choses qui ont rapport avec le travail pour des buts et des objectifs religieux, ne doit se faire ou ne peut se faire que en faisant partie d'un groupe ou d'une organisation ou des choses de ce genre. Et donc, il va commencer à essayer de trouver des moyens de justifier les organisations et les groupes et commencer d'essayer de trouver des arguments pour prouver la légitimité de faire partie de certains groupes ou des choses de ce genre. Après, le cheikh, il dit, et il y en a d'autres qui considèrent que le travail en groupe, de façon générale, ça ne doit pas être fait. On ne doit pas travailler en groupe du tout. Et il considère que la da'wah, c'est quelque chose qui doit se faire de façon individuelle. Chacun travaille individuellement de l'autre. Et il rejette, de façon générale, le travail en groupe. Et le cheikh, il dit que le droit chemin par rapport à ce sujet et à cette question, c'est que ce n'est pas une condition pour faire un travail quelconque par rapport à l'islam que cette action-là ou ce travail-là soit fait à l'intérieur d'un groupe ou à l'intérieur d'une organisation ou d'une association. Plutôt, il est possible que le travail islamique soit fait par des individus. Et c'est possible également que ce soit fait par des groupes ou par des organisations. Tant que le groupe en question ou l'organisation en question reste exempt de toute forme d'appartenance partisane et d'attachement fanatique à ce groupe, dans le sens que les gens vont commencer à aimer ou à détester par rapport à leur appartenance à ce groupe ou à cette association-là. Si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas correct. Et si tu es avec nous, tu es bon. Et donc ça, c'est bien entendu quelque chose qui amène à la division et à la fitna. Et tant que également le fait de travailler avec ce groupe-là n'implique pas de faire d'adopter ou de prôner des positions ou des idées ou des croyances ou des actions qui sont en contradiction avec les principes et les fondements du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf salih. D'accord? Et donc, la base dans cette question-là, c'est le fait de s'encourager et de collaborer ensemble les uns avec les autres dans la bonté et dans la piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et entraidez-vous mutuellement dans la bonté et dans la taqwa. Al-birri wa taqwa. Donc il faut coopérer, collaborer, travailler ensemble dans ce qui est bon, dans ce qui amène à la piété. Et ne pas s'entraider dans le péché et dans la transgression. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et craignez Allah, certes Allah est dur en châtiment. Le cheikh il dit ensuite, tandis que ceux qui divisent les gens, ce qui divise les musulmans et qui amène chacun d'entre eux à se diviser dans des différents groupes, différents partis, différentes organisations. Et ce groupe est en opposition avec ce groupe, et celui-là est en opposition avec celui-là. Comme qu'est-ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de communautés, beaucoup de sociétés musulmanes, la jama'a des ikhwan, la jama'a des tablir, Jama'a Hizb al-Tahrir, Jama'a al-Qa'ida, Jama'a al-Da'ish, Jama'a al-Jabha, Jama'a al-Kaza wa Kaza. Chaque groupe se divise. Chacun, ils ont une Jama'a. Chaque Jama'a, il a un Amir. Chaque Amir, il a une Bay'a. Et ça finit plus après. Tout ça, c'est basé sur la bid'a et sur le yani Allah musta'an, le hawa, les passions. Et ça, ça amène la division, le sectarisme. Surtout quand on introduit à l'intérieur de ces groupes-là des croyances qui sont déviées et en opposition avec la aqidah des salaf. Hein? Aqidah soufiya, aqidah ash'ariya, aqidah tijaniya, aqidah kada wa kada. Yani Allah musta'an. Donc, quand c'est rassemblé avec toutes sortes de bid'a, toutes sortes de shirkiyat et des choses de ce genre, dans ce cas-là, c'est pas permis. Hein? Mais par exemple, dans un pays musulman, hein, dans un pays musulman, tu vas voir par exemple en Arabie Saoudite, bon, ils vont organiser par exemple des écoles pour apprendre le Coran. Hein? Et il y a des organisations qui vont aider les pauvres. Et il y a une autre organisation qui vont, par exemple, faire un autre travail. Chacun, il va collaborer avec l'autre dans le bien, dans la piété. Mais ça n'implique pas que un, il a une tendance ou une position ou une aqidah ou un manhaj différent de l'autre. Tous se concentrent sur un travail en particulier, mais sans toutefois que ça soit une division. Et toutes ces différentes organisations, tous ces différents groupes sont à l'écoute et dans l'obéissance du même dirigeant, c'est-à-dire celui qui dirige le pays. Hein? Et donc il n'y a pas de hizbiyya, il n'y a pas de bid'a, il n'y a pas de division là-dedans. Ça c'est permis. Mais si c'est des groupes qui sont tout établis, chaque groupe, ils considèrent qu'ils ont un amir, un chef, et qu'ils retournent vers leur chef, ils lui donnent l'allégeance, et ils considèrent que l'obéissance lui est due, de la même manière qu'elle est due aux dirigeants, ou des choses de ce genre. Ça rentre dans la hizbiyya et la bid'a. Ça devient des sectes en réalité, ces groupes-là. Comme les turuq soufis, hein. Chaque tariqa, elle a un cheikh, auquel ils ont donné une bay'a, hein, et ils considèrent que le mourid, celui qui suit son cheikh, il faut qu'il soit comme le mort devant celui qui le lave. Hein? Kalmayt, amam al-ghasil. Donc ça veut dire, tu oublies ta volonté, tu oublies ton jugement, ta raison, tu la laisses de côté et tu obéis aveuglément à tout ce que le cheikh il te raconte, même si c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna, même si c'est des bid'a, même si c'est du shirk, même si c'est de l'égarement et des choses de ce genre. Donc ça, tout ça, c'est bien entendu des choses qui divisent les musulmans et qui égarent les gens. Et donc ça, c'est pas permis. Et donc le cheikh, il dit, si c'est de diviser les musulmans en parties et en groupes, hein, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède, eh bien tout ça c'est loin de l'image de la société musulmane que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans le hadith quand il a parlé des musulmans. Il a dit, le croyant par rapport au croyant, c'est comme une construction qui se renforcit les uns les autres. Hein, et il a attaché ses doigts ensemble, il a remis ses doigts ensemble, entrelacé ses doigts pour montrer l'exemple du mur ou d'une construction quand elle est imbriquée l'une dans l'autre, pour dire à quel point les croyants, ils doivent être solides ensemble. Hein? Et la même chose, le hadith de An-Nu'man ibn Bashir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique que les croyants, dans leur amour, leur miséricorde, et dans leur affection les uns avec les autres, ils doivent être comme un seul corps, c'est-à-dire que s'il y a une partie qui souffre, le reste doit sentir la souffrance aussi. Hein? Comme par exemple quand tu es malade ou tu es blessé, hein, si tu es blessé au pied ou à la main ou ailleurs, c'est pas juste ta main qui souffre, c'est tout ton corps au complet qui partage la souffrance. Et donc les musulmans doivent être de cette manière-là eux aussi. Après le cheikh il dit, وفي الاتجاه الدعوي سبيل من جهة أخرى فمنهم من يقول وسائل الدعوة اجتهادية فللداعية أن يستعين بالوسائل الممكنة من أجل الدعوة من دخول في البرلمانات وعمل التمثيليات وإحداث العهد وأخذ البيعات وغيره من الأمور التي يؤدي اجتهادهم ونظرهم إلى عملها في سبيل الدعوة بحسب ظنهم. ومنهم من يقول الوسائل توفيقية، فلا مجال لأي وسيلة في الدعوة لم يرد بها النص، ويضيقون في ذلك واسعا، فيمتنعون عن استعمال المسجلات ونحوها في الدعوة لأنها حادثة، والصراط المستقيم في ذلك هو التفريق بين وسائل الدعوة وبين طرق نقل الدعوة. فوسائل الدعوة هي الأقوال والأفعال التي يعني تجعل قابلا لعرض المعاني الشرعية وهيئة تبليغها، وطرق نقل الدعوة هي الأوعية التي تحمل فيها هذه الأقوال، إما آنيا مثل مكبرات الصوت أو مبلغ الصوت وناقل الصوت أو السماعات، إما تسجيلا صوتيا أو كتابيا بحيث يمكن استرجاعه في أي وقت مثل آلات التسجيل الصوتي أو الصوت مع الصورة المسمى بالفيديو ونحو ذلك. فهذه آلات لنقل الدعوة بحسب الوسيلة التي هي فيها. فالوسائل بالمعنى الأول توفيقية، ليس لأحد أن يأتي بأي أقوال وأفعال غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحذر كل الحذر من البرلمانات والتمثيليات ونحوها أن تتخذ وسيلة أن تتخذ وسائل للدعوة، فكلها أمور حادثة، وإنما يستعمل في ذلك ما جاء به الشرع كالموعظة أو الحوار أو القصة والتطبيق العملي، فكل هذه وسائل شرعية لتبليغ العلم والدعوة إليه لها أصل في الشرع. Donc le cheikh dit d'un autre point de vue également en ce qui concerne la da'wah, il y en a parmi eux qui disent que les moyens de faire la da'wah sont ijtihadiyya, c'est-à-dire c'est basé sur le jugement de chacun. Chacun peut ramener des moyens différents de faire la da'wah selon son jugement, selon sa déduction et ainsi de suite. Et donc, ils disent que la personne qui fait la da'wah, elle peut s'aider de n'importe quel moyen possible dans le but d'arriver à faire la da'wah, et ils rentrent là-dedans, ils font entrer là-dedans le fait d'entrer dans les parlements. Donc il dit, le da'ya, il va rentrer dans les parlements pour aller faire la da'wah, ordonner le bien, interdire le mal, changer les lois, changer la société, et ainsi de suite. Ou bien de faire des pièces de théâtre. Dans les mosquées ou bien à l'extérieur, ailleurs, ils vont jouer des rôles et imiter certaines situations pour représenter certaines choses et pour faire comprendre aux gens des choses de la religion. Donc ils utilisent le théâtre ou bien le cinéma ou les vidéos, des choses de ce genre. C'est-à-dire quand je dis vidéos, dans le sens qu'ils vont faire comme des films. Avec des acteurs puis qui jouent des rôles et des choses de ce genre, comme dans le théâtre. Ou bien ils vont permettre de faire à certains musulmans de prendre par exemple des serments d'allégeance comme la bay'a, comme ils donnent dans certains groupes, ou d'autres également parmi ces différentes choses qu'ils considèrent eux comme faisant partie de l'ijtihad. Selon leur point de vue, ils considèrent que tout ça c'est permis parce que c'est des moyens de faire la da'wah selon eux. Et il y en a d'autres qui disent non, la da'wah c'est tawqifi, c'est-à-dire il faut s'arrêter uniquement au texte dans ces choses-là. Mais ils disent si c'est pas mentionné dans un texte explicite, donc ça veut dire on n'a pas le droit de l'utiliser pour la da'wah. Et donc ils vont limiter quelque chose qui est en réalité ouvert ou qui est plus vaste, qui est plus large. Par exemple, ils ne vont pas permettre d'utiliser des enregistreuses pour la da'wah, ou bien d'utiliser des micros ou des haut-parleurs ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est sûr que c'est des exemples extrêmes qui sont parfois rares, hein, mais on a déjà entendu certaines personnes mentionner ou certains individus, bien entendu, qui ne sont pas nécessairement parmi des gens qui ont de la science, mais qui ont parfois ces idées-là. Et le cheikh, il explique que le droit chemin par rapport à cette question-là, c'est qu'il faut distinguer entre les moyens de faire la da'wah et les méthodes de transmission de la da'wah. C'est deux choses différentes. Hein? Les moyens de faire la da'wah, le cheikh il donne des exemples, c'est les actions et les paroles que tu emploies pour présenter les significations de la législation islamique et pour les transmettre, la manière de les transmettre. Ça, c'est les moyens de la da'wah, wasa'il da'wah. Tandis que les moyens de transmettre la da'wah ou les façons de transmettre la da'wah, eh bien ça, c'est les instruments, hein, ou les médiums que tu vas employer pour porter la voix, par exemple, ou les paroles, comme les micros, les haut-parleurs, les enregistreuses, les écouteurs, soit pour faire transmettre la voix ou les cris, ou pour enregistrer, ou bien des instruments que tu vas utiliser pour transmettre la voix et l'image aussi. Qu'est-ce qu'on appelle les vidéos. Donc, ça fait partie des moyens, hein, de transmettre la da'wah. Donc ça, c'est quelque chose qui est différent que les moyens de la da'wah elle-même. Donc le cheikh, il explique qu'en ce qui concerne les moyens de la da'wah, eh bien ça, oui, c'est tawqifi, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'arrêtes au texte dans ce sens-là, parce que la da'wah, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se limite aux paroles et aux actions de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il va rentrer dans le parlement ou de se permettre de faire des pièces de théâtre pour faire la da'wah, puisque ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais enseignées, ne les a jamais faites, et il n'a jamais ordonné ou enseigné à faire ça. Et ses sahaba n'ont jamais fait ça. Tu n'as jamais vu, par exemple, les sahaba faire des pièces de théâtre pour prêcher l'islam, pour ordonner le bien, pour interdire le mal, ou pour enseigner quelque chose aux musulmans. Hein? C'est suffisant pour yani, les musulmans, pour comprendre ce qui est halal, pour comprendre ce qui est haram, pour comprendre ce qui est yani, les principes de la croyance ou de la religion. C'est suffisant pour eux de leur expliquer les hadiths, les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas nécessaire de faire de jouer un rôle, de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas, hein, soit une personne qui est bonne ou mauvaise, hein, et de vouloir représenter ça pour faire comprendre quelque chose aux musulmans, parce que tu vois ça chez les ikhwan, hein, et ceux qui suivent leur tendance, ils vont jouer le rôle d'une personne qui fait des péchés, où ils vont jouer le rôle d'une personne qui est complètement perdue, égarée. Et même parfois, ils vont jouer le rôle d'une personne qui n'est pas musulmane. Et ils vont dire, alors qu'ils sont musulmans, ils vont dire, moi je suis pas musulman, je suis chrétien ou je suis juif. Alors qu'en réalité, ils sont pas juifs ou chrétiens, mais ils sont musulmans. Mais ils font semblant d'être kafir, yani Allah musta'an. Ou bien même, il y en a, d'après ce qu'on a même entendu et vu, certains qui vont jouer dans une pièce de théâtre et ils vont jouer le rôle du diable. Donc ils vont s'habiller d'une façon, hein, ils vont mettre un déguisement, puis après ils vont apparaître, ils vont dire « je suis le diable », hein, ou des choses comme ça. Et pire que ça encore, Allahu al-Musta'an, il y en a même qui vont jouer le rôle du prophète, ou bien jouer le rôle d'un sahabi, ou même jouer le rôle de Dieu. Allah al-Musta'an, ils vont prétendre être Dieu. Ils ont fait une fois, les Ikhwan, une pièce de théâtre sur l'exemple de Moussa alayhi salam. Puis après, ils ont mis comme un feu, puis ils ont fait entendre une grosse voix qui parle. Et puis après, ils ont fait croire que ça, c'était, hein, la voix, comme si c'est Allah qui parle. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est pour dire comment quelqu'un peut se permettre ça. Hein? Et alhamdoulilah que les ulama de l'islam, ils ont fait des fatwas sur ce sujet et ils ont clarifié que c'est pas permis. De même que de rentrer dans les parlements pour essayer de dire je vais ordonner le bien, je vais interdire le mal. S'il y a un projet de loi qui veut, par exemple, permettre quelque chose, si c'est contraire à l'islam, je vais voter contre. Si c'est un projet de loi qui veut interdire quelque chose qui fait partie de l'islam, je vais voter contre, et ainsi de suite. Comme si ça c'était y a permis. Alors que déjà en principe, tu sais que dans cet endroit-là, il y a une législation, une légifération qui se produit. Et que des gens essaient de rendre licite ou illicite des choses, alors que ça c'est un droit exclusif d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc comment tu peux te permettre même de t'asseoir à cet endroit-là, hein, et de participer à ce processus de législation, alors que tu sais que ça c'est quelque chose qui est parmi les droits exclusifs du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu prétends qu'en faisant partie de ceux qui entrent dans ce jeu démocratique, que tu vas être capable de changer quoi que ce soit à la réalité de la politique ou de la réalité de la société du pays. Alors la réalité à ce sujet-là, c'est que la plupart et presque tous ceux qui rentrent dans ça, c'est pas eux qui réussissent à changer la société ou la politique, mais c'est plutôt eux qui se font changer par le système. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a constaté de la part de la plupart de ceux qui se sont introduits dans ce système-là. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même les prophètes précédents, que ce soit Isa ou Moussa ou Ibrahim ou les autres, aucun d'entre eux, on n'a jamais entendu parler de leur part qu'ils sont rentrés dans les parlements pour faire la da'wah. Hein? Donc ce n'est pas la méthode qu'ils ont employée, et ce n'est pas la voie des messagers. Après, il dit, on utilise ce qui est mentionné dans la révélation, comme les exhortations, le dialogue, les histoires, c'est-à-dire, quand on dit les histoires, c'est-à-dire mentionner les exemples des prophètes qui sont venus auparavant, et qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme exemple, et des exemples pratiques aussi. Et le Cheikh, il donne un exemple de ces choses-là, l'exemple du dialogue, il donne l'exemple du hadith de Jibril. Quand Jibril est venu, puis il a posé la question, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est l'iman, qu'est-ce que c'est l'ihsan, c'est quoi les signes du jugement dernier, et ainsi de suite. Donc ça c'est al-hiwar, question-réponse. Mithal uslub al-tatbiq al-amali, l'exemple de la pratique. L'exemple de l'enseignement par la pratique. Et le professeur Hassan, il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et quand il a fait le hajj, il a dit, khudhu anni manasikakum, prenez vos rites du hajj de mon exemple. Et il leur a montré comment faire le hajj. Ça, c'est un exemple qui prouve qu'on peut se baser sur l'exemple pratique pour enseigner. Et ainsi de suite. Il dit, en ce qui concerne l'exemple pour l'enseignement, on peut donner des exemples en mentionnant des histoires, c'est-à-dire les histoires qui sont mentionnées à la base dans le Coran et dans la Sunna, comme l'histoire de Yusuf alayhi salam et l'histoire des autres des différents prophètes, et ainsi de suite. Également, le Cheikh il dit, ولم نعهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة علم الناس المعاني الشرعية بسورة التمثيليات أو بسورة البرلمانات أو عن طريق الخروج البدعي على ترتيب معين لأربعين يوما أو لثلاثة أيام أو غير ذلك أو عن طريق الأناشيد أو الرقص أو الجلسات أو الاجتماعات البدعية كالحضرة والمشهد والمولد فكل هذه الوسائل حادثة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc le cheikh il dit qu'on n'a jamais entendu de la part du messager ni des sahaba qu'ils ont transmis les significations de la législation islamique par le moyen des pièces de théâtre ou du cinéma ou par le moyen des parlements et de faire des sorties. Hein, comme Jamaat Tablir, il faut sortir 40 jours ou 3 jours ou ou deux jours, je ne sais pas combien, et d'utiliser cette méthode-là de manière rigide pour dire c'est cette façon-là qu'on doit faire la da'wah, alors que c'est pas vrai. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a pas dit tu vas sortir pendant 40 jours ou pendant 3 jours ou pendant combien de semaines, jamais, il n'a pas dit ça. Hein? Et même qu'il n'est même pas parti avec une jama'a, il n'est même pas parti avec un groupe, il est parti tout seul. Hein? Parce que c'était un savant. Mais tu prends des individus qui n'ont pas étudié la aqidah, qui n'ont pas étudié le fiqh ou la religion en général, et que tu dis allez partez faire la da'wah, c'est pas la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé pour faire propager l'islam. Et de même qu'on ne va pas employer les méthodes des gens de bid'a, des soufis et autres, et des hizbiyim, de faire des chants, des groupes de chants islamiques comme les anachides. Ça, ce qu'on voit maintenant, on propage ça dans les différents sites internet. Ils font des chansons, ils font des groupes de chants, pour les garçons, pour les filles. Et puis ils enseignent, ils disent on enseigne l'islam par le chant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait ça. Hein? Il n'a jamais utilisé le chant pour, comme une adoration, comme un moyen de prêcher l'islam ou d'enseigner la religion. Et pourtant, tu vois ces gens-là qui prétendent être sur l'islam, appeler à l'islam, et puis ils utilisent ces anachites-là. Et ils font des vidéos sur YouTube. Ils aiment ça se montrer. Donc ils font des vidéos sur YouTube, et puis tu vois dans l'introduction des beaux chants, des chants comme avec une belle voix, puis tout enregistré en studio, avec des effets sonores et avec des échos, ou bien avec des canons, comme on dit des canons, ça veut dire dans la chanson, les canons ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs personnes qui chantent la même chose mais à des tons de voix différents en même temps. Donc ça veut dire, ça donne un effet, quand tu entends la voix, c'est comme plusieurs voix qui chantent en même temps à des tons différents. Et il y en a même qui sont parmi ceux qui prétendent qu'ils appellent au djihad. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que chanter. Hein? Tu les vois avec leur barbe et ils sont sur le stage comme ça, sur la scène, avec le micro, et ils chantent comme s'ils étaient des vedettes de chant. Hein? Des superstars, ils se prennent pour des vedettes. Et même dans les lieux où ils se réunissent, les ikhwan, quand ils font leur réunion annuelle, comme les trucs qu'ils font ici à Paris, là, Bourget, oui. Et bien, aux États-Unis, il y a des choses comme ça aussi, et au Canada aussi. Ils font les mêmes choses. Et bien, ils ont des groupes de chants comme ça qui viennent chanter. Et maintenant, ils ont leur cassette, leur CD, leur truc. Et ils font des sessions de signatures, d'autographes. Et ils ont leurs fans qui viennent prendre des photos avec eux, et les garçons et les filles. Ils pensent que ça c'est de la da'wah. Il y a des groupes maintenant même de rap, soi-disant le rap islamique, a'udhu billah, la danse islamique, les parades de mode islamique. Et il y a les groupes de bid'a comme les soufis qui font al-hadra, se réunissent dans les mosquées pour danser, chanter, sauter, et toutes sortes d'autres bid'ah, comme c'est la fête de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces choses-là sont des innovations qui n'ont rien à voir avec la da'wah. On n'a pas le droit d'utiliser ça comme moyen pour appeler à l'islam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et le cheikh dit, wa amma alatu al-aniya ou al-tasjiliya. فهذه الأصل أنها مباحة وإنما الكلام على ما ينقل فيها فيحكم فيه بحسبه وللمسلم أن يجتهد في استعمال هذه الآلات في تبليغ الدعوة بما يراه مناسبا. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne les méthodes ou les outils qu'on utilise pour enregistrer, pour garder les différents enregistrements des connaissances de l'islam pour la propagation, ça c'est permis à la base. Et ça c'est une bonne manière de faire la da'wah. Si par exemple quelqu'un il n'a pas la capacité lui-même de prêcher à l'islam et d'appeler à l'islam parce que, disons qu'il n'a pas étudié ou bien qu'il n'a pas suffisamment de connaissances, il peut toujours prendre un audio et le propager ou le distribuer, le donner à d'autres pour le faire entendre. Il peut également distribuer des écrits sur l'islam et partager ça avec les gens pour leur faire connaître l'islam. Donc il y a toutes sortes de façons de le faire, c'est-à-dire la manière de transmettre ou de partager le message de l'islam authentique, ça c'est possible. En ce qui concerne la tendance en ce qui, vis-à-vis du comportement, l'ittijah ou l'akhlaqi, le cheikh il dit « walahu subul ». فمن الناس من ذهب يخوض في الأخلاق على طريقة فلاسفة اليونان وأرباب الرياضات والديانات الهندية القديمة ونحو ذلك ومن الناس من ذهب يخوض في السلوك والتربية على طريقة الصوفية المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيستدعي بالرياضات والكشف والمشاهدات والتجليات والإشراقات وركبوا في ذلك مركب البدعة وجاوزوا طريق السنة والأخلاق الصحيحة هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان خلقه القرآن يعني عن سعد بن هشام عن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل إني وإنك لعلى خلق عظيم قلت فإني أريد أن أتبتل قال لا تفعل أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له وأخلاقه صلى الله عليه وسلم تنبع في كل تشريعات الدين الذي جاء به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق وحياته صلى الله عليه وسلم سورة أخلاقية فقد كان يصوم ويفطر وينام ويقوم ويتزوج النساء ويصدق إذا حدث ولا يخلف إذا وعده وكان إذا أتى الآتي لا يميزه بين أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه وكان في حياته رياضات وما كان في حياته رياضات صوفية ولا فناء الوجودية ولا الغياب ولا المشهود. Donc en ce qui concerne le comportement, le cheikh il explique que certains ils sont allés à prendre leur comportement dans les voies des philosophes grecs ou des exercices spirituels des enseignements de l'Inde, hein, Allah musta'an. Et ça, tu trouves ça beaucoup chez les soufis, dans leur façon de y aller enseigner la conduite et l'éducation. Ils se basent sur les enseignements de ces gens-là, Allah al-Musta'an. Parce que tu trouves ça, par exemple, chez les soufis, ils se basent sur les philosophies de l'Inde, les philosophies juives ou chrétiennes ou autres. Et ils font des exercices spirituels et ils pensent qu'en faisant ces exercices-là, ils peuvent atteindre des connaissances particulières, soit par dévoilement ou par illumination, hein, ou bien quoique certaines choses leur sont dévoilées ou révélées. Et donc tout ça, c'est bien entendu basé sur la bid'a. Et ils ont dépassé par cela la voie de la sunna. Il dit, mais le comportement islamique correct, authentique, c'est de se baser sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et son comportement, c'était le Coran, comme un des compagnons a rapporté, Sa'd ibn Hisham, quand il est allé voir Aisha radiallahu anha, et il lui a dit, ô mère des croyants, hein, dites-moi quel est le comportement du messager d'Allah. Et il dit son comportement était le Coran. Ne lis-tu pas le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innaka la ala khuluqin azim. Hein, tu es certes sur un comportement immense, hein, un grand comportement, un bon comportement. Et donc l'homme a dit, moi je veux rester toujours célibataire, je ne veux pas me marier, hein. C'est-à-dire je veux me vouer uniquement à l'adoration et à la piété. Je ne veux pas me marier, je veux rester célibataire, mais je vais juste faire de l'adoration. Et Aïcha radiallahu anha a dit, non, ne fais pas ça. N'as-tu pas lu le verset dans le Coran? Et elle a cité le verset 21 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, vous avez certes en l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur exemple. Hein, vous avez en le messager d'Allah une bonne exemple, c'est-à-dire le meilleur exemple pour le croyant. Et elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, hein, et il a eu des enfants. Donc si toi tu veux suivre son exemple, tu dois te marier toi aussi. Tu ne dois pas rester comme ça, dire moi je vais rester célibataire comme les prêtres catholiques qui ne se marient pas, hein, Allah musta'an. Et vous voyez que par la suite ils tombent dans toutes sortes de choses qui sont mauvaises, hein. Et le cheikh il dit, le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il découle des législations de la religion. Et c'est lui qui a dit dans le hadith selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé pour compléter le meilleur des comportements, hein. Et sa vie entière est un exemple de comportement. Et il donne l'exemple du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il jeûnait, parfois il ne jeûnait pas, parfois il priait la nuit, parfois il dormait la nuit, et il épousait des femmes, hein, c'est-à-dire il ne restait pas célibataire. Et lorsqu'il parlait, il disait la vérité. Lorsqu'il faisait une promesse, il respectait sa promesse. Hein, et quand quelqu'un venait de l'extérieur, hein, pour voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, il avait du mal à le distinguer parmi ses compagnons, c'est-à-dire il ne pouvait pas savoir c'était qui le messager parmi les compagnons, parce qu'il n'avait pas de signe distinctif extérieur qui le distinguait des autres dans sa façon de s'habiller, dans sa façon, hein, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas voir qu'il portait un vêtement spécial. Il n'avait pas un vêtement en or ou quelque chose comme ça, comme les rois. Hein? Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit, sa vie, il dit, et durant sa vie, il ne faisait pas les exercices inventés par les soufis, les danses, les mouvements, hein? Tout ça là, que les soufis font, ou le fait de vouloir, par exemple, atteindre le nirvana ou je sais pas quoi comme chez les bouddhistes ou des trucs comme ça. Ça n'existe pas dans l'islam, malgré que chez les soufis tu vois qu'ils font ça, ils pensent qu'ils peuvent atteindre al-fana, devenir un avec Dieu, se perdre dans le yani, toutes sortes de bid'a et de toutes sortes de pratiques bizarres comme ça. Allah musta'an. Après, le cheikh il donne des exemples de la tendance dans qu'est-ce qui a rapport avec l'enseignement ta'limi al-islah, dans la réforme de la société. Comment tu fais pour réformer la société? Et donc le cheikh il dit famina an-nas man yara anna al-islah yabda'u min al-qimmah fa yubda'u fi da'watihi aw yabda'u fi da'watihi bil-hukam wal-ru'asa وقد يدخل في جو من التصادم والخصام ولا يهمه أن يوقع في المجتمع الشقاق والصدوع كل همه الوصول إلى السلطة متخذا كل ما يمكن أن يوصله إلى غايته سبيلا ومن الناس من يبدأ في إصلاحه بالمجتمع حوله وينطلق يدعو الناس إلى الخير والدين ويدعو إلى المساجد ويخرج بهم في رحلات قد تطول أو تقصر وليربي فيهم حسب ظنه البعد عن الدنيا ومشاغلها ويمضي في غايته دون أن يزود نفسه بالعلم الشرعي الصحيح ودون أن يحدو الناس إلى طلبه. ومن الناس من جعل السياسة هي دعواه وهي هدفه ويزعم أن سبيل الإصلاح العام والتعليم هو السياسة والخوض في أمر الواقع والحديث في جوانبه وما يتوصل به إلى اقتصاد وغيره. والصراط المستقيم أن يهتم المسلم بتعليم نفسه وتعليم أدناه فأدناه، ويبدأ بتعليم نفسه ومن يليه أمر دينه ليقوم بعبادة ربه، لأنه يعلم أنه لا يصلح الفرد إلا إذا صلح قلبه ولا تصلح الأسرة إلا إذا صلح الفرد، ولا يصلح المجتمع إلا إذا صلحت الأسرة، وصلاح المجتمع صلاح الأمة. Donc le cheikh il dit que parmi les exemples de réformes qui sont proposées, parfois il y en a qui veulent commencer par le haut, et donc ils commencent par les dirigeants et les têtes de la société, et ils rentrent parfois dans des conflits avec ceux qui sont au pouvoir, et ils n'ont aucun problème avec le fait de créer des divisions et des conflits et des problèmes dans la société, parce que le seul intérêt qu'ils ont, c'est d'arriver au pouvoir. Et ils sont prêts à prendre tous les moyens pour y arriver. Et c'est là que tu vois, par exemple, dans ces groupes-là, les groupes des Ikhwan ou autres, les groupes de takfir, qui vont faire le takfir des dirigeants, faire des attentats, faire des coups d'État, utiliser n'importe quoi comme moyen pour essayer d'obtenir le pouvoir politique. Puis une fois qu'ils l'obtiennent, ils n'appliquent rien de l'islam. Et on a vu l'exemple des Ikhwan en Égypte quand ils ont pris le pouvoir, et comment ils ont été même parfois pires que ceux qu'ils ont critiqués avant eux. Donc ça, c'est un exemple. Et il mentionne également qu'il y en a d'autres qui veulent commencer par réformer la société autour d'eux, mais en se basant uniquement sur le fait de dire il faut se détacher de la dunya, il faut se concentrer sur la piété et tout. Et ils vont partir en voyage dans différents endroits dans le monde pour une courte durée ou une longue durée, comme Jamaat Tabligh. Et donc, ils éloignent les gens de la science islamique, et ils pensent que avec l'ignorance, on va être capable de changer quelque chose dans la société et de faire une réforme réelle. Donc, ils éloignent des hommes de science et de la science. Et ça, c'est pas de cette façon-là que tu peux réformer quoi que ce soit. Il dit, il y en a d'autres qui ne pensent qu'à la politique, dans leur da'wah, et leur but et leur objectif, c'est la politique, et de rentrer dans les questions politiques, et de parler de politique, ou de parler d'économie. On voit l'exemple ici des Ikhwan. Et il dit que le droit chemin en ce sujet-là, c'est que le musulman, il commence par s'enseigner, apprendre à sa propre personne en premier, puis ensuite d'enseigner ceux qui sont les plus proches de lui, ses enfants, sa femme, ses parents, ses proches. Il commence à leur enseigner, et il enseigne ceux qui sont à côté de lui aussi par la suite, ses voisins, et ainsi de suite. Et il établit donc l'adoration de son Seigneur, et il essaie d'apprendre et de réformer sa personne en premier, de réformer son cœur, puis de réformer la famille. Parce que, il dit le cheikh, parce que tu peux pas réformer la famille, tu peux pas réformer l'individu sans réformer le cœur. Et tu peux pas réformer la famille, excepté si l'individu a été réformé. Et tu peux pas réformer la société, excepté si la famille a été réformée. Et tu peux pas réformer la société, excepté, la réforme de la société, c'est ça ce qui va amener la réforme de la Ummah en entier par la suite. Donc, étape par étape, graduellement. Et il dit, فَيَبْدَأُ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فَيُطَبِّقُ عَلَيْهَا مَا يَدْعُو إِلَيْهِ وَيَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ودعوة الأدنى فالأدنى من حسن الصحبة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أدناك أدناك. يعني يوقن أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى طاعتهما ويرجو وعد الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير ولا بئس المصير. الشيخ il explique ensuite que la personne elle doit commencer par la science avant la parole et l'action. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: sachez que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. C'est le verset 19 dans Surat Muhammad. Ensuite, le Cheikh, il dit, tu commences par toi-même en appliquant ce à quoi tu invites les autres et en essayant de rester fermement accroché à cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est à cela que tu dois appeler, et mets-toi fermement sur la religion comme tu as été ordonné de l'être. Et ne suis pas leur passion. Et dit, je crois en ce qui a été révélé par Allah comme livre. Le verset 15 dans Surah Shura. Et le Cheikh il dit, et tu commences par le plus proche. Tu commences par la personne qui est le plus proche de toi en premier. Puis tu essaies de y aller, d'avoir le meilleur comportement envers cette personne en commençant par ta mère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qu'un homme a dit, ô messager d'Allah, quelle personne mérite plus ma bonne compagnie? Et il a dit, c'est ta mère, puis ensuite ta mère, et ensuite ta mère, et ensuite ta mère, puis celle qui est plus près, puis celle qui est plus près. Donc, l'importance des liens de parenté, ça fait partie de l'islam et c'est très important. Et il doit être convaincu du fait que Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'ils se changent eux-mêmes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans Surat al-Ra'd, certes, Allah ne change pas ce qu'il y a en un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Et il mentionne par la suite le fait qu'il faut agir selon l'obéissance d'Allah et de son messager, et d'appeler à leur obéissance et d'espérer la promesse d'Allah. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Allah a promis à ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes œuvres, qu'il va leur donner la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui leur ont précédés, qui étaient là avant eux, et qui va leur donner la stabilité et la fermeté sur la terre. Il va donner la stabilité à la religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il va changer leur situation de crainte en situation de sécurité. Et la condition de ça, c'est qu'il m'adore, moi, et qu'il n'associe rien avec moi. Et quiconque renie la foi par la suite, alors ceux-là sont les pervers. Donc ça, c'est en ce qui concerne cet aspect-là de la réforme. En ce qui concerne l'éducation, l'ittijah al-tarbawi, le Cheikh il dit, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْرِفُ التَّرْبِيَ إِلَّا أُصُولِهَا. من التربية وأصولها وطرقها إلا ما قررته مدارس الغرب ومن اشتغل بها منهم ويريد أن يجعل في إطار كل ما حوله وفق هذه النظرة التربوية المجردة. ومن الناس من يذم التربية وما فيها ولا يقبل منها شيئا. والصراط المستقيم أن التربية في الإسلام لها أصولها المعتبرة وهي الدين كله وإبراز الجانب التربوي في التشريعات الإسلامية وهو ما يسميه علماء الشريعة والأصول بالحكم التشريعية. Donc le cheikh il explique qu'en ce qui concerne l'éducation, il y en a qui veulent uniquement prendre les fondements et les manières et les méthodes d'éducation, ce qui a été établi par les écoles occidentales, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de l'Occident, et ils ne veulent rien d'autre que ça. Le cheikh il dit, il y en a d'autres qui blâment de façon générale l'éducation et qui n'acceptent rien de ce qui a rapport avec l'éducation. Tandis que le cheikh dit que le droit chemin à ce sujet-là, c'est que dans l'islam, l'éducation, elle a ses fondements qu'on doit considérer et que c'est en réalité la religion en entier. Hein, puisque la religion de l'islam, c'est la religion de l'éducation. C'est-à-dire que tu dois suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour yani, et de la sharia. Tout ça, c'est une éducation. Et donc, c'est ce que les ulama de l'islam et de la charia et des fondements de la charia appellent les sagesses pour lesquelles Allah a révélé la révélation. Et il dit, wa qala ibn al-Qayyim fi miftah dar sa'ada, qala ba'da naqlihi 'an al-mubarrid al-rabbani alladhi yurabbi al-'ilm wa yurabbi an-nas bihi, ay يعني يعلمهم ويصلحهم. قال وعلى قوله أي على قول المبرد الرباني من رب يربي ربا أي يربيه فهو منسوب إلى التربية ويربي علمه ويكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم ولا يوصف عالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه ومعلما له. انتهى كلامه. فمعين التربية أو معين التربية في الإسلام ومنابع التربية الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح والعلماء الربانيون فيه هم التربويون على الحقيقة ولم يأتي الغرب به وما يأتي الغرب فيه بشيء جديد غير أنهم زادوا الطين بلة كما يقال. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne l'éducation, il mentionne une parole de l'imam Ibn al-Qayyim ici, et si on veut résumer qu'est-ce qu'il dit, c'est que la personne qui est un savant, si on veut dire de lui qu'il est rabbani, c'est-à-dire qu'il met en application sa science et qu'il l'enseigne. Hein? Et le cheikh ici ne l'a pas mentionné, mais il y a les ulama qui mentionnent que les ulama qui sont rabbaniyin, hein, c'est ceux qui commencent avec les gens lorsqu'ils leur enseignent par les choses les plus simples, puis qui évoluent avec eux, hein, au fur et à mesure en les élevant dans la science et en les éduquant. Donc le cheikh il dit ici que la base de l'éducation dans l'islam elle est basée sur le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Et les ulama rabbaniyin, les ulama, les savants qui éduquent, hein, c'est eux qui sont les vrais éducateurs en réalité. Et en ce qui concerne l'Occident, ils n'ont rien ramené de nouveau dans l'éducation. Ils n'ont fait que rajouter de l'eau à la terre. C'est une expression. Zadutin Bella, c'est-à-dire ils ont juste empiré les choses, c'est ça que ça veut dire. Et le cheikh il dit walittijahu l'iqtisadi en ce qui concerne l'économie, et ça c'est le dernier point que le cheikh a mentionné. Il dit faminhum man yu'rafu bil rasmali wa minhum man yu'rafu bil ishtiraki wa minha wa minha was siratul mustaqim fi kulli hadha ittiba'u ma ja'a fil islam من إحلال البيع وتحريم الربا وإثبات الملكية الفردية ومنع الضرر والضرار، فلا غرر ولا تغرير ولا احتكار، وأن يعلم العبد من أين اكتسب ماله وفيما أنفقه. Donc, le cheikh, il dit, en ce qui concerne l'économie, il dit qu'il y a certains qui se disent capitalistes et d'autres qui se disent socialistes, et ainsi de suite, communistes ou autres. Il dit, là, le droit chemin dans tout ça, dans toutes ces choses-là, c'est de suivre ce que l'islam a amené. Hein, de rendre halal le commerce, la vente, et de rendre haram le riba, les intérêts, d'affirmer et d'établir la propriété privée, ça existe dans l'islam, et d'interdire le fait de faire du tort à soi-même ou aux autres, l'interdiction de vendre ce qui n'est pas défini, ce qui n'est pas connu, ou de monopoliser les matières premières ou les choses que les gens ont besoin pour manger, pour vivre, hein, tu l'emmagasines et tu le monopolises pour faire monter les prix ou des choses comme ça. Ça, c'est pas permis. Et également, tu dois juste prendre en considération comment tu gagnes ton argent et comment tu le dépenses. Est-ce que tu le gagnes de manière halal et est-ce que tu le dépenses dans le halal? Hein? Donc ça, c'est les grandes règles, les grandes lignes en ce qui a trait à l'économie dans l'islam. Et le cheikh, il cite à ce sujet-là les versets dans Surat al-Baqarah 275-277, hein, les versets entre ces deux, les versets de 275 à 277. Il mentionne dans ces versets-là l'interdiction du riba. Puis il dit وليعلم القاري الكريم أن هذه بعض السبل بحسب الاتجاهات المذكورة والقضية يمكن تطبيقها على اتجاهات كثيرة والمؤمن الحصيف لديه ميزان يفرق بين الحق والباطل فإذا ما وقف أمام شيء من هذه الاتجاهات وغيرها ينظر أيها وفق وفق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيتبعه فإن فيه الهدى والنور. Donc, le cheikh il dit que le lecteur de ce livre il doit savoir que certaines de ces voies selon les différentes tendances qui ont été mentionnées, yani on a vu quelques-unes, c'était que des exemples que le cheikh il a mentionné juste pour faire comprendre le principe, d'accord. Et il dit que tu peux mettre en application maintenant cet exemple-là, si tu as une balance, ou la balance qu'on a pour juger, c'est le Coran et la Sunna. Donc tu utilises ça, la connaissance que tu as, pour distinguer et séparer entre ce qui est faux de ce qui est vrai. Et yani, lorsque tu fais face à ces différentes tendances, lorsque tu avances et que tu constates ces différentes tendances-là, eh bien, yani, tu regardes dans ces choses-là, qu'est-ce qui est en accord avec ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons ont ramené, et tu le suis, parce que c'est dans ça qu'il y a la guidance et la lumière. Et si tu vois que c'est quelque chose qui contredit ce que Allah...